Les Frustrés, adapté de Clabrotéché par Christelle Wurmser. Les mères poules. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, merci. Merci, mademoiselle. À bientôt. Sympathique, cette petite marque. Aspirine. Je connaissais pas. Oui, ça vient d'ouvrir. Évidemment, ça vaut pas Riquel. Ah, bah, Riquel, c'est la base, c'est sûr. T'as le temps de boire un thé? Quelle heure il est? Oh oui, c'est bon, dans une heure, je dois aller chercher Romaine au karaté. Oh, elle fait du karaté, elle aussi. Oh, Calix adore ça. Ça lui donne énormément confiance en lui. Et ensuite, je l'expédie à l'expression picturale. Calix lui fait poterie, vannerie, reliure, sculpture, fait un peu de litho aussi. Malheureusement, on peut pas tout leur faire faire, c'est dommage. En plus, avec les trajets d'une activité à l'autre, on perd un temps fou. Cela dit, j'ai trouvé une fille extra qui a ouvert un cours d'expression corporelle à deux pas de chez nous. Ah oui? Ça apprend quoi, l'expression corporelle? À faire le con. Remarque, elle a toujours eu des dons pour ça, mais disons que ça la canalise. Oui, t'as raison, faut canaliser. Ah, c'est pas mal, là, cette tunique qu'ils font maintenant comme ça, un peu longue. Non, c'est difficile à sortir, le gris. Il n'y en a jamais deux qui vont ensemble. Ouais, t'as pas de tort. Ah, le mercredi après-midi, le mien va à des goûters de conversation anglaise. Ah. C'est comme un goûter normal, mais on n'y parle qu'anglais. C'est une anglaise qui organise ça. Être bilingue, c'est un tel atout pour un môme. J'ai entendu parler d'un atelier de créativité vers la rue Félix Faure. Une ancienne élève des arts déco qui s'en occupe. C'est sympa ça. Si tu trouves l'adresse, tu m'appelles. Hein. Mm-hmm. Bon, après, c'est une question d'horaire. Il lui reste encore un créneau le mardi soir avant le piano. Ce qu'il faut, c'est ne pas les laisser inoccupés. Exactement. Qu'ils ne prennent surtout pas l'habitude de traîner sans avoir rien à faire. Oh, t'as vu les sandales, là? On dirait que ça revient, les semelles compensées. Dis donc, je peux emmener Calix au cheval avec Romaine, si tu veux, le dimanche matin. Oh, dis donc, je te dis pas comme ça m'arrangerait. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Il va adorer ça, tu verras. Ça va le rendre vachement autonome. D'ailleurs, à Pâques, pour ses 9 ans, j'inscris Romaine à un stage de palefrenier. Ça fera toujours 15 jours de tirer. Un stage de palefrenier. Oh, c'est super. On doit donner l'impression qu'on cherche à se débarrasser d'eux. Tu plaisantes, c'est pour leur culture. Sinon, on culpabiliserait comme des bêtes, tu penses, hein? Corinne. Corinne! Corinne, tu es restée dans l'eau 10 minutes, ça suffit maintenant! Corinne! Corinne, tu m'entends? Sors de l'eau, Corinne! J'ai dit... Sors de l'eau, Corinne! Tu es sourde! Corinne, reste pas plantée là, viens de sécher! Corinne! Corinne, viens ici, je te dis! Quand on sort de l'eau, il faut sécher avec une serviette, sinon c'est très mauvais pour la peau! Corinne, tu m'entends? Corinne, viens de sécher! Allez, dépêche-toi! Ah non, s'il te plaît, fais attention. Tu m'envoies tout le sable. Je vais avoir plein de sable dans mon tricot. Éloigne-toi, voyons. Allez, va plus loin. Allez. Corinne. Corinne, je vois que tu as froid. Viens mettre ton t-shirt. Viens mettre ton t-shirt. Il est là, sous la serviette. Mais tu fais exprès d'envoyer du sable ou quoi? Ah non. Ah non, alors ça, ça va pas être possible. Corinne! Corinne, veux-tu rendre immédiatement la bouée au petit garçon? Elle n'est pas à toi. Corinne, fais ce que je te dis. Rends la bouée au petit garçon. Voilà. Très bien. Viens ici, Corinne. Viens voir maman. Je t'ai déjà dit que je voulais pas te voir jouer avec les petits arabes. Tu comprends ce que je te dis? S'il veut te prêter sa bouée, tu lui réponds pas. Tu lui tournes le dos, tu vas jouer un peu plus loin avec ta bouée à toi. Compris? Je ne veux pas te voir jouer avec les petits arabes. Mouche ton nez. Allez, souffle. Ne va pas plus loin que le parasol orange, Corinne. Tu m'entends? Le parasol orange, que je te garde à l'œil, sinon tu vas encore faire des bêtises. Bon alors, j'en étais, moi. Trois mailles à l'endroit. Deux à l'envers. Trois à l'endroit. Corinne, range tes moules, la petite fille va te les prendre. Crois-moi, je m'y connais, la petite fille va te les prendre. Et je t'en rachète pas d'autres, hein. Tu es prévenue. Ramasse-les, je te dis. C'est ça, dépêche-toi. Elle va te les... Tu vois, je te l'avais dit qu'elle allait te les prendre. Ah, elle te les rend. Prends-les vite, elle te les rend. Voilà, viens les ranger dans le sac, là. Comme ça, il n'y aura pas de risque. Tu as faim? Il y a des gâteaux, si tu veux. Deux à l'envers. Trois. Tout en bataillon avec son cruchon. Ma tout en bataillon avec son cruchon. La fontaine était creuse, elle est tombée au fond. Aïe, aïe, aïe, aïe, se dit Margot. Oh, tu m'as fait tromper. Tu peux donc pas t'amuser tranquillement au lieu d'être tout le temps dans mes jambes. Les frustrés, adapté de Claire Brotéché par Christelle Wurmser. Les mères poules, avec Raphaëline Goupillot et Isabelle Gélinas. Corinne, avec Carole Franck et Corinne Martin. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.